franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Prison à ciel ouvert, bagne africain, Corée du Nord africaine, les expressions ne manquent pas pour qualifier ce petit pays dont on ne parle presque jamais et où journalistes et touristes ne sont pas les bienvenus. L'Érythrée, un pays fermé donc, mais aussi un pays dont il est interdit de sortir. Les Érythréens sont prisonniers chez eux. Et s'ils sont pris en essayant de passer clandestinement une frontière, ils risquent de croupir dans l'un des quelques 300 camps de détention. Il fut pourtant une époque où ce jeune État de la Corne de l'Afrique était considéré avec bienveillance par les grandes puissances. Certains y voyaient même la naissance d'une nouvelle Afrique, débarrassée de ses péchés originaux, une Afrique propre, en somme, démocratique, moderne, sans corruption ni népotisme. C'était à la fin du siècle dernier, dans les années 90. Alors, comment est-on passé de la lumière à l'ombre ? Monsieur X ouvre le dossier de l'Érythrée. Une histoire pour commencer. Il s'appelle Dawit Isaac et c'est un journaliste qui jouit de la double nationalité érythréenne et suédoise. Un professionnel de talent puisqu'il a reçu la Plume d'or de la liberté, un prix délivré par une association mondiale de journaux et d'éditeurs. Lorsque son pays accède à l'indépendance en 1993, après une longue et cruelle guerre de 30 ans avec le voisin éthiopien, Isaac choisit de revenir chez lui en Érythrée, afin de participer à sa façon à la reconstruction de son pays et à l'édification de la démocratie. Mais s'il s'était exilé, c'était à cause de la guerre ? Oui. Il est donc de retour, fonde une famille et devient l'un des dirigeants d'un journal indépendant, CETI. Mais en 1998, une nouvelle guerre de 2 ans éclate. Oui, encore avec l'Éthiopie. Hein. Oui, ça, je vous en reparlerai. Isaac repart en Suède avec sa famille. Mais dès la fin du conflit, il revient et retrouve son journal qui ouvre ses colonnes aux réformistes. Il pense ainsi contribuer à lancer son pays sur la voie de la démocratie. C'est donc que celle-ci n'existait pas encore ? Non, l'Érythrée vivait encore sous le régime du parti unique, un parti issu de la guerre d'indépendance. Enfin, ne l'ont pas trop vite. Hein. Isaac est à peine de retour que le président érythréen Isaias Afewerki lance une vaste vague de répression. En 2001, donc. Hein. En septembre, exactement. Quelques jours après les attentats contre le World Trade Center. Bien sûr, ce n'est pas un hasard. Ah non. Afewerki profite de la vague d'émotions mondiales provoquée par le 11 septembre. Ben, si, pense-t-il, à juste titre d'ailleurs, personne ne s'intéressera à ce qui se passe dans son petit pays de 4 ou 5 millions d'habitants. Effectivement, c'est le cas. Et pourtant, la répression est brutale. Tous les directeurs de journaux sont arrêtés, et ce n'est qu'un début. Isaac est lui-même emprisonné ? Bien entendu. Il est aussitôt mis au secret. Il réapparaîtra 2 jours en 2005 et sera ensuite à nouveau détenu. Et depuis, aucune nouvelle, sinon cette information transmise par un gardien de prison qui a réussi à fuir en Éthiopie. Isaac, emprisonné dans des conditions très dures, serait très malade. Il n'y a pas eu de procès ? Non, ni même d'acte d'accusation. Et la Suède a demandé en vain sa libération. Mais, se demande sa famille et ses proches, est-il seulement encore en vie ? Si j'ai commencé en vous parlant de ce journaliste, c'est que cette pitoyable histoire illustre bien ce qui se passe en Érythrée aujourd'hui, dans le plus grand silence. Alors, pardonnez-moi, mais pour bien comprendre, il me faut remonter un petit peu dans le temps. Oui, mais vous adorez ça, hein ? Bah écoutez, on ne se refait pas. Alors, je vous l'ai dit, c'est un tout petit pays, 5 fois moins étendu que la France. Et situé sur le bord de la mer Rouge. Hein. Oui, d'ailleurs, le nom même du pays, Érythrée, vient du mot grec « rouge ». On y trouve donc une longue et étroite bande côtière de 1000 km qui se termine au nord par une grosse excroissance qui s'enfonce dans les hauts plateaux. Autre particularité, l'Érythrée est coincée entre 2 géants africains, l'Éthiopie au sud et le Soudan au nord. Et pour achever ce portrait, il faut dire qu'il existe 9 ethnies et 2 religions. Des chrétiens, dans les régions proches de l'Éthiopie, et des musulmans, dans les basses terres. Des ressources naturelles ? Aucune, même si le gouvernement met tous ses espoirs dans une mine d'or qui a commencé à être exploitée l'an dernier. Ouais, donc un pays très très pauvre. Et une population chroniquement sous-alimentée, où seul un peu plus de 10% de son territoire peut être cultivé. Alors l'histoire, le pays érythréen, qui est alors sous domination éthiopienne, commence à être colonisé par l'Italie à partir de la deuxième partie du 19e siècle. Suit une intense période de développement. Le colonisateur construit des ports, un chemin de fer et même une ligne téléphérique la plus longue du monde qui relie le littoral au haut plateau. Et la capitale, Asmara, est désormais appelée la Piccola Roma. La petite Rome. Oui, à cause de sa transformation au niveau architectural. Là, vous voulez parler des aspects positifs de la colonisation ? Bon, écoutez, je vous en prie, ne caricaturez pas. En même temps, après l'ouverture du canal de Suez, la mer Rouge devient peu à peu une voie maritime commerciale de première importance. Et notez bien, géographiquement, la petite Érythrée s'étend pratiquement jusqu'au détroit de Bab-el-Mandeb à la frontière avec Djibouti. Ouais, Bab-el-Mandeb, la porte des lamentations. Oui, qui commande l'entrée vers l'océan Indien. Et donc une position stratégique. Ah, oui, qu'il reste. Une part notable du pétrole du Golfe à destination de l'Europe emprunte ce détroit. Enfin, je poursuis. En octobre 1935, les troupes italiennes basées en Érythrée pénètrent sans déclaration de guerre en Éthiopie. La campagne est longue, les massacres sont nombreux et les Italiens utilisent l'arme chimique, le gaz moutarde. Enfin, près de 8 mois de combat, l'armée de Mussolini entre dans Addis Abeba. Ouais, d'où s'est enfui le Négus, l'empereur. L'Érythrée, l'Éthiopie et une partie de la Somalie sont alors unifiées sous le nom d'Afrique orientale italienne. Mais quand survient la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques chassent les Italiens et vont garder le contrôle de la région durant 10 ans. Avec l'aval de la communauté internationale. Une colonisation chasse l'autre ? Oui, mais enfin, celle-ci est plus douce. La participation des autochtones dans les affaires du pays s'accroît. Des partis politiques voient le jour, et en même temps qu'une presse libre. Et l'Éthiopie a recouvré son indépendance. Oui, hein. Le Négus est revenu. Mais il ne tarde pas à manifester des prétentions sur l'Érythrée. Aussi, avant que la situation ne dégénère en 1952, l'ONU décide la création d'une fédération entre l'Éthiopie et l'Érythrée, contre l'avis de Londres d'ailleurs. L'Érythrée obtient donc le statut d'entité autonome. Elle a un parlement, un gouvernement et même un drapeau. Mais c'est l'Éthiopie qui s'occupe des affaires étrangères, de la défense et des finances. Ouais, mais est-ce que cette solution satisfait les uns et les autres ? Pas vraiment. Pour les autonomistes, c'est trop peu. Quant aux Éthiopiens, ils n'ont qu'une obsession, récupérer ce territoire qu'ils estiment faire partie intégrante de leur pays. Le Négus lance donc très vite une politique d'éthiopisation de la société. Pardonnez-moi ce néologisme. Ouais, et l'éthiopisation, là, ça consiste en quoi ? Il instaure, par exemple, l'usage d'une seule langue nationale, l'amharique. Oui, c'est la langue parlée en Éthiopie. Puis, il supprime le drapeau érythréen en 1959. Enfin, et c'est plus grave, il fait en sorte d'exacerber la compétition entre chrétiens et musulmans érythréens. Ouais. L'Éthiopie soutenant, enfin j'imagine, les érythréens chrétiens. Ouais, qui sont en outre généralement favorables à l'union. Mais cette approbation va aller en s'amenuisant, parce que la politique du Négus engendre un mécontentement croissant dans l'ensemble de la population érythréenne. À cause des sentiments nationalistes ? Et des aspirations à l'indépendance. Dès 1958, on observe la création d'un mouvement de libération érythréen, le MLE, qui va être rapidement soutenu par les pays arabes et deviendra le Front de Libération Érythréen, FLE. C'est le début d'une rébellion armée. Ahmed Idriss Awad, qui a autrefois combattu dans l'armée italienne, et une poignée de maquisards donnent le signal de la révolution de libération de l'Érythrée. Et c'est le début d'une guerre de 30 ans. Extrait d'un livre de Léonard Vincent, Les Érythréens. Vendredi 1er septembre 1961, 6h du matin. Ce jour-là, en djellaba blanche, munitions en bandoulière et cravache en main, Ahmed Idriss Awad et une poignée de maquisards donnent le signal de la révolution érythréenne. À l'aube, 14 partisans armés de 4 vieux fusils à culasse ouvrent le feu sur l'armée impériale éthiopienne sur les pentes du mont Adal, dominant les plaines agricoles de l'Ouest. Pendant 6 heures, Awad et ses hommes repoussent les soldats venus écraser leur petite bande de combattants retranchés dans les collines. Mort de maladie à 50 ans, moins d'un an après la bataille fondatrice du mont Adal, Ahmed Idriss Awat est le Simon Bolivar de l'Érythrée, le meneur courageux et charismatique qui tira le premier coup de feu de la liberté, comme il est dit partout. Primus inter pares des maquisards indépendantistes. Face à ce début de rébellion armée, le Négus ne tarde pas à réagir et dissout la fédération. Mais c'est ce qu'il cherchait depuis longtemps, non? Ah, tout à fait. Et ça se traduit par une annexion pure et simple de l'Érythrée à l'Éthiopie en 1962. 8 ans plus tard, l'état d'urgence est proclamé. Et c'est donc que les rebelles deviennent de plus en plus menaçants. Oui, toutefois, ils se divisent. Un nouveau mouvement apparaît, le Front populaire pour la libération du peuple érythréen, FPLE. Rival du premier front? Oui, ce nouveau mouvement est très influencé par les maoïstes. Et il recrute surtout chez les coptes. Ouais. Et ces deux fronts se déchirent? Forcément. Mmh. Et ce sont les nouveaux venus qui l'emportent et éliminent leurs adversaires dès l'année 1974. Une année importante. C'est aussi en 1974 que l'empereur Haïlé Sélassié est renversé. Oui, il sera assassiné l'année suivante. C'est une junte militaire qui est à l'origine de cette révolution. L'un de ses dirigeants s'appelle Mengistu Haïlé Mariam, qu'on appellera bientôt le Négus Rouge, et il s'imposera définitivement en 1977. Détail intéressant, la mère de Mengistu est érythréenne. Ça laisse espérer une accalmie, ça? Pas du tout. L'arrivée au pouvoir des révolutionnaires se traduit au contraire par une recrudescence des combats. C'est maintenant une guerre totale qui oppose les rebelles érythréens à l'armée éthiopienne. En 1978, cette dernière reprend le contrôle de presque la totalité du territoire érythréen. Fin de la guerre? Pas du tout. Et tandis que près d'un million d'Érythréens se réfugient dans des camps au Soudan, une résistance farouche s'organise dans les montagnes et les grottes. Mmh. Ouais, c'est là où une armée régulière peut être plus facilement tenue en échec. C'est ça. Mais à partir de la fin des années 80, un changement radical se produit. Le Négus Rouge doit affronter une nouvelle guérilla. Érythréenne? Non, éthiopienne. Le Front de libération du peuple du Tigré, FLPT. Ouais. Le Tigré étant, il faut le rappeler, une des provinces éthiopiennes frontalières avec l'Érythrée. Et cette guérilla veut faire tomber Mengistu, qui a institué dans son pays un régime de terreur. Or, les deux mouvements vont s'allier. Mais contre Mengistu, donc. Et effectivement, en 1991, le Négus Rouge tombe. Et simultanément, l'Érythrée est libérée. Ouais. Donc 30 ans après le premier coup de feu. Ouais, mais le bilan est terrible. 100 000 morts, des réfugiés par centaines de milliers. En outre, le pays est complètement ruiné et pratiquement détruit. Mmh. Mais est-ce l'indépendance, là? Ah, pas encore. C'est un référendum qui en décide en 1993, en plein accord avec le Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, qui a remporté le pouvoir en Éthiopie à la suite des premières élections démocratiques de l'histoire du pays. Mmh. L'indépendance est donc proclamée, là. Et les nouveaux dirigeants issus du mouvement de libération s'installent dans la capitale, Asmara. Suit une période de paix et de développement intense dans tous les domaines. L'Érythrée devient même une sorte de modèle aux yeux des Occidentaux, séduit par la façon dont Isaias Afewerki, le chef rebelle devenu président, dirige son pays. Seul bémol, ce dirigeant emblématique que ses amis politiques appellent le frère président a tendance à gouverner à la cubaine. Il y a le culte du chef? Oh, pas seulement. Sa politique sociale et économique s'inspire du modèle cubain. Et malheureusement, comme Castro, il emprisonne les sociaux traîtres, ainsi qu'on les nomme. Mais on passe là-dessus et on préfère voir que le pays continue de vivre la paix comme il a fait la guerre, avec discipline, opiniâtreté et un dévouement quasi mystique, selon l'un de vos confrères d'un journal conservateur. Ben, c'est peut-être le moment d'en dire un peu plus là sur Afewerki. Physiquement d'abord, cet ancien maquisard est très grand et maigre, un homme ascétique et qui sourit rarement. Mmh. Autoritaire? Ça va de soi, et bien sûr, susceptible. Quand il a abusé des whiskies, ce qui au fil du temps sera de plus en plus fréquent, il n'hésite pas à frapper ses proches collaborateurs. Mais dites-moi, un ascète qui boit du whisky, c'est un peu contradictoire, non? Vous l'accorde. Alors, son parcours maintenant? Afewerki est né en 1946 dans une famille nombreuse de religion chrétienne. Il a été élevé par sa mère dans un village de montagne près d'Asmara. Mmh. Et son père? Petit fonctionnaire de l'administration impériale, il était généralement absent. Mais il faut faire la part de la rumeur, d'autant que Afewerki s'est toujours refusé à parler de sa vie privée. Toujours selon la rumeur, on prétend que son géniteur n'aurait pas été érythréen, mais éthiopien, et qu'il était un farouche partisan de l'union avec l'Éthiopie. Ben ça, c'est embarrassant pour le futur nationaliste Afewerki. Hein. C'est peut-être pourquoi il ne parle jamais de ses origines familiales. Alors, que sait-on de sûr ? En 1965, le jeune Isaias commence des études d'ingénieur à l'université d'Asmara. Mais un an plus tard, il part pour le Soudan, où se trouve la base arrière du FLE, le Front de Libération de l'Érythrée. Il participe donc à des actions de guérilla contre la Fédération éthiopienne. Deux ans plus tard, moment essentiel dans sa formation, il part en Chine. Mais c'est juste à l'époque de la révolution culturelle. Et que va-t-il faire là-bas en Chine ? Le Front de Libération l'a envoyé suivre une formation militaire. C'est donc qu'on voit en lui déjà un futur cadre. Incontestablement. Afewerki apprend le maniement des armes et l'art militaire. Mais il est surtout baigné de marxisme-léninisme à la sauce maoïste. Une influence durable ? Oui, c'est en Chine qu'il se construit. Désormais, il se consacrera entièrement à la révolution. Et dès son retour en Afrique, ce jeune homme rigoureux, très peu porté sur l'humour, rompt avec la direction du Front de Libération. Et pour quelle raison ? Il considère qu'ils sont trop conservateurs et exagérément influencés par les musulmans. Oui, parce qu'il est lui-même originaire d'une famille chrétienne. Sans doute. Mais Afewerki se méfie de toutes les religions, et surtout des intégristes, quels qu'ils soient. Et il ne sera pas moins intransigeant avec le poison du tribalisme. Notez bien que dès cette époque, il édifie sa légende, celle d'un grand chef de guerre austère et impitoyable. Ça lui vaudra pas mal d'admirateurs sur le continent africain et même chez les gauchistes occidentaux, dont certains d'ailleurs le rejoindront, enfin au moins provisoirement. Il a donc quitté le Front de Libération, mais où va-t-il ? Avec d'autres cadres qui ont choisi la même route que lui, il crée un nouveau mouvement armé, les Forces Populaires de Libération, qui seront rebaptisées en 1977 FPLE, Front Populaire de Libération de l'Érythrée. Et à partir de 1975, Isaias en devient le chef incontesté. Et qu'il vaut mieux ne pas contester. C'est plus prudent, oui. Afewerki, en tout cas, applique ce qu'il a appris en Chine. Sous son autorité, le FPLE devient une véritable armée régulière et disciplinée. Une force qui contrôle d'abord le nord du pays, puis l'ouest, et enfin la côte est. Mais son objectif n'est pas seulement militaire. Dans les régions libérées, le FPLE crée ses propres services sociaux et éducatifs. Mais c'est la mise en place d'une nouvelle administration. Oui, qui dispose de relais secrets dans la capitale, Asmara. Et les armes ? Elles proviennent généralement du Yémen. Sur l'autre rive de la mer Rouge. Et elles sont payées par des États arabes et quelques régimes communistes. Mais l'armée d'Afewerki connaîtra la disette lorsque des luttes fratricides opposeront les nationalistes érythréens. Mais avez-vous dit, là, c'est le FPLE d'Afewerki qui finit par l'emporter ? En 1980, oui. Puis ensuite, on verra la rébellion anti-Mengistu dirigée par Meles Zenawi faire alliance avec le front érythréen. Contre le pouvoir éthiopien. Oui, et ce rapprochement militaire entre les deux organisations scelle aussi une véritable amitié entre les deux chefs de guerre. C'est-à-dire Zenawi là, et Afewerki. Oui, mais enfin, comme tout a une fin, cette amitié dégénérera en une haine féroce un peu plus tard. Mais n'allons pas trop vite. Parenthèse importante dans le parcours politique d'Afewerki, en 1987, son mouvement abandonne le marxisme doctrinaire. 20 ans après son séjour chez Mao. Oui, mais un autre événement va le marquer durablement. En janvier 1993, alors que la guerre est terminée et que bientôt l'Érythrée va proclamer son indépendance, Isaias est frappé par une grave crise de paludisme cérébral. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Isaias Afewerki, héros AUT, d'une nouvelle Afrique. Tel est le titre d'un article d'Arnaud Delagrange paru dans le Figaro en juin 1997. J'en extrais ces lignes louangeuses. À bien des égards, l'Érythrée est l'anti-Zaïre. La présidence a le luxe d'un centre de sécu d'arrondissement parisien. Pas de toque de léopard ou de canne en ivoire pour son locataire. Isaias Afewerki aime à se présenter comme le président le moins payé au monde. Le pouvoir ne l'a pas embâté. Le chef de l'État a gardé la démarche élastique du coureur de maquis. À 51 ans, il a passé la moitié de sa vie en rébellion. En 1993, Afewerki est donc passé tout près de la mort. Oui, et écoutez bien, car à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, c'est étonnant. Ce sont les États-Unis et Israël qui vont venir à son secours et le sauver. Mais comment Ces deux États organisent son transport dans un hôpital de Tel Aviv en toute urgence. Et ici, il faut remarquer qu'Israël sera le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Érythrée. Mais pourquoi c'est étonnant là ? Parce qu'aujourd'hui, Isaias est plutôt ami avec les Chebabs somaliens et Ahmadinejad. Ouais. Mais bien sûr, n'allons pas trop vite. Lorsqu'il est rétabli, il revient chez lui, au printemps 1993. L'Assemblée nationale provisoire l'élit aussitôt président. Et comment le régime évolue-t-il ? Le but officiel, c'est la démocratisation des institutions. Toutefois, ça va lentement, mais très lentement. Et d'abord parce qu'il n'existe qu'un parti, le Front populaire pour la démocratie et la justice qui s'est substituée au FPLE. Des élections multipartites sont promises, mais pas avant 1997. En fait, elles n'auront jamais lieu. Donc, Afewerki n'a jamais vraiment connu la tentation de la démocratie. En revanche, il veut mettre en place une société laïque et moderne. Et ce non-pratiquant, dès le début de sa présidence, engage le fer avec l'intégrisme musulman soutenu par le voisin soudanais. En mai 1994, il entame une première visite dans un pays occidental. Et il commence par la France. Afewerki compte alors sur l'aide internationale pour contribuer au développement de son pays. Et ce système-là de parti unique n'est pas un obstacle ? Les grandes démocraties occidentales se sont toujours accommodées de ces régimes plus ou moins dictatoriaux. D'autant, je vous l'ai dit, qu'Afewerki bénéficie généralement d'un préjugé favorable. Donc on est prêt à beaucoup lui pardonner. C'est exact. Afewerki, alors considéré par le monde occidental comme un nouveau type de leader qui peut sortir le continent du sous-développement. Mais même à Washington, on considère, en tout cas ce que déclare Susan Rice, chargée de l'Afrique sous l'administration Clinton, qu'il fait partie de ces nouveaux responsables africains qui représentent un espoir pour l'Afrique. Et lui-même donne l'impression de faire des efforts. En mai 1997, une nouvelle constitution est ratifiée. Le multipartisme est à nouveau promis, mais toujours retardé. Mais dans la réalité, qu'en est-il alors ? Le régime n'est pas tendre pour ses opposants. Et lorsqu'il le faut, on est pur. Mais ce n'est pas une dictature totale, plutôt une dictature douce, si vous me pardonnez cet oxymore. Et pour les Érythréens, le frère président demeure incontestable et incontournable. Et populaire, donc. Oui, parce que si la vie quotidienne reste dure dans ce pays qui a tant souffert de la guerre, le pays commence à se développer grâce aux investissements étrangers et aux programmes d'aide. À partir de 1994, le pouvoir a mis sur pied un agenda visant à ériger un appareil d'État viable et un système social et éducatif efficace. Le gouvernement provisoire pêche alors par optimisme et espère réaliser en 10 ans ce qui lui aurait certainement pris plusieurs décennies. C'est irréaliste. Mais la petite Érythrée accomplit néanmoins de grands progrès. Je pense en particulier à ce que le régime bâtit en matière d'éducation. Et les relations avec l'ennemi de toujours, là ? L'Éthiopie ? Oui. De 1991 à 1997, les deux leaders qui ont été frères d'armes contre Mengistu affichent une grande amitié, au moins en apparence. Ouais. Mais ils sont devenus chefs d'État, chacun dans son pays. Hein. Et les enjeux sont forcément devenus différents. Bientôt, il en sera fini de la paix entre les deux voisins. Et quand exactement ? En 1998. Et qui déclenche la guerre là ? Les torts sont partagés, mais formellement, ce sont les Érythréens. Pourquoi ? Expliquez-moi. Il y a eu plusieurs raisons, même si on peut penser que l'Éthiopie a cherché tous les prétextes pour réinvestir son ancienne possession. En tout cas, la première raison est simple. Il suffit pour comprendre de regarder une carte. Depuis qu'elle a perdu l'Érythrée, elle a aussi perdu ses ports. Ouais, l'Éthiopie n'a plus accès à la mer. C'est désormais un pays enclavé qui, aujourd'hui, en raison de son conflit latent avec son voisin érythréen, doit exporter ou importer des marchandises à Djibouti. Ouais. Autre raison ? L'Érythrée indépendante a créé sa propre monnaie. Bah, ce qui semble assez légitime. Hein. Oui, mais jusque-là, les Érythréens se servaient de la monnaie éthiopienne. Et ils nomment cette nouvelle monnaie Nakfa, du nom d'une ville érythréenne martyrisée par l'armée ennemie au cours de la guerre de 1961-1991. Mmh. Ce que les Éthiopiens ne doivent pas apprécier. Et pour eux, c'est même une double provocation pour l'Éthiopie, car la création du Nakfa a pour résultat de dévaluer sa monnaie et de nuire à son économie. Mmh. D'autres raisons encore qui alimentent l'hostilité entre l'Érythrée et l'Éthiopie ? Encore deux, oui. Malgré la paix, malgré l'amitié qui a existé un temps entre les deux chefs d'État, le tracé des frontières tel qu'il résulte des accords de paix ne satisfait pas l'Éthiopie. Il existe en particulier un village que les deux pays se disputent. Enfin, vrai ou faux, Afewerki est persuadé qu'en 1996, son ancien ami Zenawi aurait tenté de le faire assassiner lorsqu'il est allé lui rendre visite à Addis Abeba. Ouais. Et comment débute cette nouvelle guerre-là ? Ce sont les Érythréens qui ont commencé, avez-vous dit ? À la suite d'un incident de frontière, l'armée érythréenne occupe ce village que se disputent les deux pays. Addis Abeba saute sur l'occasion et le 14 mai 1998, l'Éthiopie déclare la guerre à son voisin. Dans les premiers mois, les combats tournent à l'avantage d'Asmara, qui a décidé la création d'un service national 2 ans plus tôt. En outre, l'armée érythréenne dispose d'armements soviétiques datant de la guerre froide. Il doit en être à peu près de même pour l'Éthiopie, qui du temps de Mengistu a été un allié de l'URSS dans la région. C'est exact. Mmh. Et effectivement, les Éthiopiens plus nombreux retournent la situation en leur faveur. 2 ans après le déclenchement du conflit, leur armée se trouve aux portes d'Asmara. Ouais. Le président éthiopien Meles Zenawi a donc gagné. Et sûr de lui, fin mai 2000, il peut se permettre de déclarer la fin de la guerre. Mais si l'Éthiopie est victorieuse, l'Érythrée, elle, est une fois de plus exsangue. Et le bilan humain est catastrophique. Cette guerre entre voisins a provoqué la mort de 80 000 personnes. Et des morts parfaitement inutiles. Si tant est qu'il puisse y avoir des morts utiles. Oui. Et pourquoi alors ? En juin 2000, les deux pays signent des accords de paix à Alger. Et il est décidé la création d'une commission indépendante chargée de fixer le tracé de la frontière. Or, le village frontalier de Badmé, qui a été à l'origine de la guerre, est attribué comme avant le conflit à l'Érythrée. Alors, comme si la guerre n'avait pas eu lieu. Exactement. Par conséquent, à Addis Abeba, on pousse les hauts cris et on refuse ce tracé. Mais l'Érythrée ne veut rien entendre. L'ONU doit envoyer les casques bleus pour empêcher un nouvel épisode militaire. Mais aujourd'hui, alors ? En juin 2002, une commission d'experts internationaux chargée d'étudier cette épineuse question rend des conclusions favorables à l'Érythrée. D'où la rancœur des Éthiopiens qui ont gagné militairement la guerre, mais l'ont perdue politiquement. Et malheureusement, si la guerre n'a pas recommencé, c'est la paix armée. Les deux pays ont réarmé. Et les incidents de frontières sont presque quotidiens. Mais nous en reparlerons la semaine prochaine, car il me faut maintenant vous expliquer comment l'Érythrée est devenue une prison à ciel ouvert. À samedi prochain, donc, pour une nouvelle page érythréenne sur franceinter.fr. Vous pourrez réécouter cette émission et communiquer avec nous. Rebecca de Nantes a préparé cette émission qui a été réalisée par Stéphane Combe. Merci à Monsieur Jou pour ses petites notes et tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.